vent portait des prières brisées. Dans la nuit rouge, les clans tremblaient. Neketsuine, cavalier d'acier, la poussière me guide vers l'éternité. Les murs tremblent quand mes pas résonnent. Chaque cri s'éteint, chaque flamme sonne. Je marche droit, ombre de l'ouest. Radersky, ton juge, ton dernier test. Les ôles rigurent sous mes rafales. Les tunnels saignent, l'écho s'emballe. Je traîne vos rêves dans ma poussière. Cowboy, fantôme, cavalier de guerre. Rust in flames, your walls fall down. Éclate, verse leur sang sur la reine écarlate. Deux voix rugissent, tonneur croisé. Le ciel s'ouvre en éclats brisés. Chaque coffre hurle quand je le déchire. Chaque porte ploie sous mon empire. Je grave ma marque dans vos tombeaux. In flames, your walls fall down. Cowboys' wrath will burn this town. Riders' skill rise, no one forgives. In the ashes, no clan survives. Le désert m'appelle, vos cris se taisent, vos bases brûlent. Vos âmes s'apaisent, un jugement né de la poussière. Cowboy du temps, cavalier de fer. Les chevaux fuient, les flammes s'élancent. Vos rêves meurent dans ma vengeance. Rider Skill chante au milieu des cendres. La fin des clans. Rust in flames, your walls fall down. Cowboys' wrath will burn this town. Riders' skill rides, no one forgives. In the ashes, no clan survives. Quand la fumée monte vers les cieux, je reste seul. Cavalier des adieux.